إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alameen, ça me fait plaisir d'être de retour et qu'on recommence, inshallah, notre dars hebdomadaire. On s'était arrêté pour le Ramadan, maintenant on recommence, inshallah. Donc, alhamdulillah, la dernière fois qu'on s'était rencontré, le cours dont on avait parlé, c'était, si je me souviens bien, l'épreuve de la prophétie et puis aussi le miracle du Coran. Donc on avait parlé du miracle du Coran et en quoi ça consiste. Aujourd'hui, on va parler de l'infaillibilité des prophètes. Ismatul Anbiya. D'accord? Et le mot Isma, ou Al-Isma en arabe, ça veut dire Al-Man'a. Donc le cheikh il dit Al-Ismatu Al-Man'a. والعاصم المانع الحامي والاعتصام الاستمساك والامتساك بالشيء والمراد بالعصمة هنا حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي. Donc le cheikh il explique que العصمة ça veut dire quelque chose qui empêche, quelque chose qui te protège contre quelque chose, et العاصم c'est à dire qu'est-ce qui te qui protège et qui bloque contre quelque chose. Et al-i'tisam, ça signifie de s'accrocher à quelque chose, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Donc al-i'tisam ça veut dire de s'accrocher à quelque chose. Le cheikh il dit que qu'est-ce que ça signifie quand on dit al-isma ou ismatul anbiya. Dans ce contexte de la religion, ça signifie l'infaillibilité ou le fait que Allah subhanahu wa ta'ala protège ses prophètes des péchés et des désobéissances. Okay? Et après, le cheikh il cite les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Avant de commencer à citer ça ou d'expliquer ça, on va donner une petite explication de quoi on parle maintenant. En fait, on parle du fait que Allah subhanahu wa ta'ala protège ses prophètes, étant donné qu'ils sont venus pour être des modèles pour nous et des exemples. Donc, ça implique qu'ils doivent avoir un comportement exemplaire, ok. Et puis aussi, ça implique qu'ils doivent être protégés d'une certaine façon dans la transmission du message, ok. Donc, c'est à ce sujet-là qu'on va parler. Et le cheikh il mentionne aussi certains points sur lesquels il y a eu des divergences entre certains groupes, et donc il essaie de clarifier là à ce sujet-là lequel est plus proche de qu'est-ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna. Donc il mentionne les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاكيا للخلاف ومبينا الراجح في هذه المسألة الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون عن الله سبحانه في تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, en parlant du désaccord qui existe et en clarifiant la position la plus correcte sur ce sujet, il dit, les prophètes, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux, sont protégés en ce qui concerne ce qu'ils transmettent et ce qu'ils informent l'humanité au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la transmission de ces messages, et ça c'est selon le consensus de toute la Ummah, c'est-à-dire tous les savants de la Ummah, c'est-à-dire de l'islam, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont toujours été d'accord sur ce fait, que les messagers d'Allah sont infaillibles dans la transmission du message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et à cause de ça, il est obligatoire de croire en tout ce qu'ils ont amené. Il est obligatoire de croire en tout ce que les messagers ont amené à l'humanité. Et il montre comme preuve de ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, dans plusieurs versets. Et le premier verset qu'il montre, c'est le verset qui dit, dites, nous croyons en Allah, et nous croyons en ce qui a été révélé sur nous, et nous croyons en ce qui a été révélé aussi à Abraham, et à Ismaïl, et à Ishaq, et à Jacob, et à Yaqub, et à Al-Asdaq, c'est-à-dire les tribus, et ce qui a été donné aussi à Moïse et à Jésus, et ce qui a été donné aussi aux autres prophètes de la part de leur Seigneur. Et on ne fait aucune distinction entre eux, et nous sommes tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Allah il dit, et s'ils croient en la même chose que ces prophètes-là ou ces gens-là ont cru, alors ça veut dire qu'ils sont bien guidés. Mais s'ils se détournent, alors ils seront uniquement dans la perdition. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera suffisant pour vous, et c'est lui qui entend tout et qui a connaissance de toutes choses. Et ensuite, il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais la bonté ne consiste en fait à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ni à croire au jour du jugement dernier, et de croire aux anges, aux livres et aux prophètes. Et ensuite, il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que le messager a cru en ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, ou ce qui a été révélé à lui de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants, ils ont tous cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses anges et en ses livres et en ses messagers, et ils ne font aucune distinction entre aucun d'entre eux, ces messagers, et ils disent nous avons entendu et nous obéissons, et il demande pardon à Allah, Rufranaka Rabbana, ou notre Seigneur, pardonne-nous, ou donne-nous ton pardon, et c'est à toi que sera la destinée, ou la destination finale. Après, le Cheikh, il mentionne encore les paroles d'Ibn Taymiyyah, il dit, قال وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة فإن النبي هو المنبئ عن الله والرسول هو الذي أرسله الله تعالى وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. Donc le Cheikh il dit que l'infaillibilité des prophètes, elle est établie Et c'est dans ce sujet-là, c'est-à-dire dans le sujet que ils sont infaillibles dans la transmission du message. Et c'est ça le but de la prophétie et de la transmission du message. C'est-à-dire ils sont venus, les prophètes, dans le but de transmettre. Et le prophète, dans la langue arabe, on dit al-Nabi. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est al-Munabbi'u 'anillah. C'est celui qui vient nous donner une information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et Ar-Rasoul, c'est celui qui a été envoyé, ou qui est un messager. Donc, il vient nous transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il n'était pas infaillible dans la transmission du message, ou dans le fait de qu'est-ce que, qu'il dit au sujet d'Allah, alors il n'y aurait pas de point d'avoir envoyé des messages. Il n'y aurait aucun but que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir envoyé un prophète ou des prophètes et des livres, des messagers, si on ne peut pas être certain de la véracité et de l'authenticité de leur message. Hein. Donc, ça fait partie de la foi aux messagers que de croire que Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus infaillibles dans ce domaine, c'est-à-dire dans le sujet de la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est, il ne peut pas y avoir d'erreur à ce sujet-là. Il ne peut pas y avoir d'erreur de la part du prophète dans la transmission du message. Et ça, c'est selon le consensus ou l'accord de tous les musulmans. Et ensuite, il dit, il a un qal, وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعدها أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أو لا. Donc ça c'est des différentes questions que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a ramené au sujet de l'infaillibilité des prophètes. C'est-à-dire, est-ce que l'infaillibilité des prophètes se limite uniquement à la transmission du message? Donc il y a des différences d'opinion là-dessus parmi les gens. Il y en a qui demandent aussi, est-ce que on peut l'affirmer, cette infaillibilité, par la raison uniquement ou bien par les textes, c'est-à-dire par les preuves du Coran et de la Sunna? Et aussi ils sont en désaccord au sujet de l'authenticité, au sujet des grands péchés et des petits péchés. Est-ce que les prophètes sont infaillibles de commettre des péchés? Est-ce qu'ils peuvent faire des grands péchés ou est-ce qu'ils peuvent faire des petits péchés? Et une autre question aussi, c'est est-ce que cette infaillibilité-là, est-ce que c'est uniquement au sujet des péchés, est-ce que c'est uniquement celui qui continue à la faire tout le temps ou seulement uniquement celui qui l'a fait une fois puis qui l'a abandonné? C'est-à-dire qu'il a fait le péché puis il s'est repenti, ou bien un prophète peut continuellement faire le même péché, ou bien est-ce que les prophètes sont aussi infaillibles, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont protégés contre la mécréance et les péchés avant qu'ils soient prophètes, c'est-à-dire avant que Allah subhanahu wa ta'ala les ait déclarés ou leur ait envoyé une révélation? إلى الشيخ الزي والقول الذي عليه جمهور الناس هو الموافق للآثار المنقولة عن السلف أو من السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها. Donc le cheikh il dit que la parole de la majorité des gens à ce sujet-là, c'est en accord, et c'est ce qui est aussi en accord avec qu'est-ce qui a été rapporté des salafs, c'est-à-dire les prédécesseurs, les sahaba et ceux qui sont venus après, et c'est que on affirme que les prophètes sont protégés de rester sur un péché en général. C'est-à-dire un prophète ne peut pas continuellement faire un péché, le péché, le même péché ou un péché. Il peut le faire, ça peut arriver qu'un prophète fasse un péché, mais il ne le fait pas continuellement, il se repent. Mais il va donner des exemples. والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها. C'est-à-dire, les textes des salafs réfutent aussi ceux qui disent que c'est permis pour un prophète de continuellement faire un péché. Donc ça, c'est réfuté. Et les preuves de ceux qui disent que le cheikh dit وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء تدل عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقر عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه عن وجوبه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال أو أنها مما عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها تجب التغيير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا عندما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي أو لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا الحديث. Donc là le cheikh il fait une grande explication au sujet de la question que le frère nous a posée. Un exemple sur le sujet des prophètes. Un bon exemple au sujet d'un messager qui a fait un péché, c'est un exemple d'Adam qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a mangé de l'arbre que Allah lui avait interdit de manger. Et puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris des paroles pour se repentir. Il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné. Ça, c'est un exemple. Mais le cheikh, il explique ici, après, il dit que ceux qui ont essayé de dire que les prophètes, ceux qui disent que les prophètes sont protégés des péchés, lorsqu'on les analyse, elles prouvent qu'ils sont protégés contre le fait de persister sur un péché. Mais ceux qui nient ça, eh ben les preuves qu'ils amènent, ça peut uniquement montrer que ils ont fait un péché, mais ils n'ont pas persisté à le faire ce péché-là. Donc le cheikh il dit, ceux qui ont dit que par exemple les prophètes sont infaillibles, ils se sont basés sur le fait que on doit se baser sur qu'est-ce que les prophètes ont amené de ce qui est permis dans l'islam. Ok, on doit uniquement suivre les prophètes dans ce qui est permis, dans ce que Allah a permis, et non dans ce qu'ils ont, non dans ce qui a été abrogé ou interdit, ou ce qu'ils ont quitté eux-mêmes par la suite. كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه. Donc si par exemple un prophète a fait quelque chose puis l'a abandonné par la suite et puis il a cessé de le faire, eh ben donc dans l'islam on ne doit pas croire qu'on peut suivre cette action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abandonné, mais on doit plutôt, wa alaykum salam wa rahmatullah, on doit plutôt continuer à faire qu'est-ce qu'il a fait par la suite, après, qu'est-ce qu'il a abandonné ou qu'est-ce qui a été abrogé, on ne doit pas continuer à le faire par la suite. C'est quelque chose qui a été abandonné. Donc, c'est le cas si un prophète, par exemple, a fait un péché ou quelque chose qui était mal et qui s'est repenti, puis par la suite, il a continué à faire toujours le bien, eh bien, c'est comme si c'est quelque chose qui ne fait pas partie de qu'est-ce qu'il a amené. C'est quelque chose qui a été même. Il est revenu, il s'est repenti à Allah. Donc, de la même façon, on doit laisser tomber cette affaire-là, puis continuer à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le reste de ce qu'il a amené. Donc, on n'a pas le droit de prendre ce qui a été abrogé ou ce qu'il a cessé de faire comme étant quelque chose qu'il a ordonné ou qui. Et donc c'est ça. Et ils ont ceux qui ont interdit ou qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas faire des péchés, ils ont dit par exemple bon, les péchés ça vient en contradiction avec la perfection et c'est quelque chose de laid. Donc si on disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire des péchés, c'est quelque chose qui est contraire au bon exemple et à tout ça. Et qu'est-ce que le cheikh a répondu de ça? Il a dit, ça c'est des exemples, ça c'est des arguments logiques, rationnels. Mais en fait, si on analyse bien comme il faut la question, c'est que le fait qu'ils aient fait ce péché-là et qu'ils se soient repentis, eh bien en fait, c'est quelque chose de bon puisque la repentance qui est sincère et qu'Allah accepte, lorsque la personne se repent, elle devient meilleure que qu'est-ce qu'elle était avant d'avoir commis le péché. C'est-à-dire, on va dire que quelqu'un fait un péché aujourd'hui et qu'il cesse de le faire et qu'il se repent. Il s'est repenti à Allah d'une façon sincère et qu'il ne retourne jamais à ce péché-là. Donc, cette personne-là, après s'être repentie, elle devient pour Allah subhanahu wa ta'ala meilleure que qu'est-ce qu'elle était auparavant. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans les paroles des salaf, comme il cite l'exemple de Daoud, qui dit qu'après sa repentance, il était meilleur que ce qu'il était auparavant, avant son péché. Et aussi, il donne comme exemple, il dit que si la repentance n'était pas parmi les choses qui sont les plus aimées pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas donné comme épreuve à une de ses meilleures créatures, ce péché-là. Et ça a été établi dans les hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux lorsque son serviteur se repent qu'un homme qui est parti dans le désert avec son chameau et qui avait mis sur son chameau toute sa nourriture et l'eau et tout ce qu'il avait besoin pour son voyage et qui dort, et lorsqu'il se réveille il voit que ou bien c'est qu'il perd sa monture, et lorsqu'il se réveille il dort parce qu'il pense qu'il va mourir, ça y est, il n'a plus d'eau, il n'a plus de nourriture, il n'a plus rien, donc il s'étend pour dormir. Il attend la mort, et là, quand il se réveille, il voit que son chameau ou sa chamelle est devant lui avec toute sa nourriture et son eau, etc. Donc, quand il se réveille, il est tellement heureux de ça, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ça comme comparaison pour nous montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit pour son serviteur qui s'est repenti. Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit pour son serviteur qui s'est repenti, qui est revenu à Allah, de la même façon que cet homme-là qui était perdu qui avait perdu sa monture dans le désert avec tous ses biens, toute sa nourriture, et bien c'est de cette façon-là que c'est pour nous montrer que la repentance c'est quelque chose de grand pour Allah. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc, étant donné que la repentance est à ce niveau-là, eh bien, ça nous montre aussi que même si, comme on a dit, même si un prophète avait commis un péché, le fait qu'il ne continue pas à le faire, eh bien, ça l'élève en degré puisque il est plus grand après la repentance que ce qu'il était avant la repentance. إلى أن قال وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ويتعذر إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلمة عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء ويقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم. Donc le cheikh il explique, il dit que il y a beaucoup de preuves dans le Coran et dans la Sunna qui viennent affirmer ce fait. Dans le Coran et dans la Sunna et même dans les livres qui ont été révélés avant le Coran, il y a des choses qui viennent affirmer le fait que certains prophètes ont pu commettre des fautes et qu'ils se sont repentis par la suite. Et il dit le cheikh qu'il s'excuse de ne pas tous les mentionner parce que c'est trop nombreux s'il devait commencer à les mentionner. Mais le cheikh il dit que ceux qui essaient de réfuter ça, eh bien la façon dont ils se sont pris, c'est d'essayer de faire des sortes de ta'wilat, comme on a vu au sujet des exemples, au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cours précédents. On a vu un peu les exemples de ta'wil que les Jahmiya, les Mu'tazila et les Asha'ira ont amené pour essayer de déformer le sens de certains des noms et des attributs d'Allah. Et bien eux, ils s'y prennent de cette façon-là pour essayer de déformer le sens des hadiths qui parlent que des prophètes ont commis des fautes ou des péchés, pour essayer de défendre leur idée. Et puis, ils se basent aussi sur les formes de ta'wila des qaramita. On a parlé déjà des qaramita, mais on n'avait pas détaillé vraiment beaucoup. Sauf que ce sont des gens qui font des ta'wil de la sharia. Non, pas seulement comme les mu'tazila, les asha'ira et les jahmiya, qui faisaient le ta'wil pour les noms et les attributs d'Allah. Mais par contre, les qaramita sont une secte ésotérique. On les appelle aussi ismailiyoun ou d'autres noms. Il y a des durouz. Il y a les durouz nusayriya. Il y a le batiniyoun. Donc c'est des sectes ésotériques. Et eux, ils font pas seulement le ta'wil des noms et des attributs d'Allah, mais ils font le ta'wil de tout ce qui a rapport avec le ghaib. C'est-à-dire même, ils font le ta'wil de al-jannah wal-nar. Ils font le ta'wil de Al-Qadar, ils font le ta'wil de même des ordres qu'Allah nous ordonne de faire. Par exemple, ils vont dire le paradis et l'enfer, c'est pas réel, c'est dans ta tête, ou bien c'est un état, ou bien ils vont dire par exemple la salat, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les gens font 5 fois par jour, le jeûne, c'est pas arrêter de manger, ça a une autre signification secrète. Et c'est seulement quelqu'un qui est initié à nos informations ou à nos connaissances secrètes qui va réellement savoir la vraie signification de ces choses-là. Et ça, c'est en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est ils inventent un mensonge au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré tout de la charia. Il n'a rien caché. Il n'a rien rendu de la charia, il n'a rien fait de la charia de secret. Il a enseigné à tous les sahaba et il n'a pas gardé rien de qu'est-ce que Allah lui a révélé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il montre même ça dans le Coran. Il y a beaucoup de versets. Il dit au prophète de transmettre ce qui lui est révélé de son Seigneur. Et s'il n'a pas transmis, alors il n'a pas fait son travail de prophète. Donc, il n'a rien à cacher. Et Allah, il a puni ceux qui, il a donné dans le Coran des menaces à ceux qui cachaient quelque chose de sa révélation. Innaladina yaktumuna ma'anzalna. Et, etc. Des ayats comme ça. Donc, c'est clair à ce sujet-là. Donc, ces gens-là, en fait, quand ils se sont présentés de cette façon-là pour essayer de nier ces hadiths qui parlent des péchés de certains prophètes, ils ont essayé de venir avec l'idée qu'ils voulaient défendre les prophètes. Alors qu'en réalité, ils viennent avec quelque chose qui vient nier les prophètes. C'est-à-dire, ils nient l'information qui vient du prophète. Ils disent, je veux défendre les prophètes, et ils nient les paroles du prophète. Il dit qu'il veut défendre la foi alors qu'il vient avec des choses qui impliquent un acte de mécréance, c'est-à-dire la négation de ce qui vient d'Allah et de ses messagers. Après, le cheikh dit ثُمَّ إِنَّ الْعِصْمَةَ إِنَّ الْعِصْمَةَ الْمَعْلُومَةَ بِدَلِيلِ الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ وَالْإِجْمَاعِ هِيَ الْعِصْمَةُ فِي التَّبْلِيغِ وَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهَا إِذْ كَانُوا لَا يُقِرُّونَ بِمُوجِبِ مَا بَلَّغَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ إِنَّمَا يُقِرُّونَ بِلَفْظٍ حَرَّفُوا مَعْنَاهُ أَوْ كَانُوا فِيهِ كَالْأُمِّيِّينَ الَّذِينَ لَمْ يَعْلَمُوا الْكِتَابَ إلا أماني والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا به أو لا ما أمروا بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيما على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدعي ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار. Donc le cheikh il explique ici, et ça, qu'est-ce qu'il dit maintenant, ça se rapporte toujours aux gens qui font le ta'wil, et c'est-à-dire que même ces gens-là, s'ils ont en fait, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que l'infaillibilité qui est connue et qui est supportée par les preuves de la charia et de la raison et du consensus des savants, c'est uniquement l'infaillibilité au sujet de la transmission du message. D'accord? Et eux, subhanallah, ces gens-là, des gens qui font le ta'wil, comme la Sha'ira, le Maturidiyya, le Jahmiyya, le Mu'tazila, ils font le ta'wil de ce que les prophètes ont transmis. Donc, ils n'ont même pas profité de cette infaillibilité-là, puisque même ce qui vient du prophète, yani, ils essaient de le transformer. Ce qui vient d'Allah, ils essaient de dire, bon, par exemple, si Allah dit telle chose, eux, ils disent non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Allah dit, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, eux, ils disent, ah, mais istawa, ça veut dire istawla. Donc, ils changent le sens. Et donc, le fait de faire ça, c'est comme si en réalité, ils n'ont même pas profité de l'infaillibilité des prophètes au sujet de la transmission du message. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, il croit uniquement à un mot qui a été, dont ils ont changé le sens. Et donc ils sont un peu, ou bien ils sont comme ceux par exemple qui lisent le livre comme des illettrés. Ils récitent une chose mais ils ne comprennent pas ce que ça signifie, hein, comme les gens du livre. Ils disent par exemple, ah ben on ne sait pas ce que les noms d'Allah signifient, on ne connaît pas la signification, c'est uniquement Allah qui le sait. Alors que c'est des mots bien connus dans la langue arabe, que tout le monde, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissait. Ça c'est ceux qui font at-tafwid, comme on en avait parlé la dernière fois. Donc par la suite, le cheikh il explique ça, il donne des exemples de ça, puis après il dit quelque chose d'intéressant, c'est ça qu'on va expliquer maintenant. Il dit والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال نوح قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقول الخليل عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وقول موسى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك وقوله قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فلما آفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وقوله تعالى عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وقوله تعالى عن سليمان وقال J'aime beaucoup ça, c'est quand je vois mon nom là. Non, le dua de Suleyman. وقوله تعالى عن سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Non. Donc le cheikh il explique que en fait je pense que c'est encore la citation de Ibn Taymiyyah. Il dit Ibn Taymiyyah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné les péchés d'un prophète dans le Coran, excepté qu'il l'a associé avec la repentance et la demande du pardon. Comme par exemple Adam et sa femme, ils ont dit tous les deux, « Oh notre Seigneur, nous avons fait du mal à nous-mêmes, nous avons fait de l'injustice à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et que tu n'as pas miséricorde pour nous, alors nous serons certes du nombre des perdants. » Et Noé a dit, « Ô mon Seigneur, je cherche la protection contre toi, que je te demande ce dont je n'ai aucune connaissance. » Yarhamukallah. « Ma laysa li bihi ilm » Et si tu ne me pardonnes pas et que tu n'as pas miséricorde envers moi, eh bien je serai parmi les perdants. » Et Ibrahim al-Khalil, il a dit, « Ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mes parents, ainsi qu'aux croyants, le jour où nous serons, le jour des comptes, un yawm al-hisab, le jour de la résurrection. » والذي أطمع يعني c'est-à-dire il parle d'Allah, Ibrahim, il dit c'est lui Allah en qui j'ai espoir qu'il va me pardonner mes péchés au jour de la résurrection. Et dans un autre verset il parle des paroles de Moussa, et Moïse yani Moussa a dit c'est toi notre protecteur, alors pardonne-nous et aie miséricorde envers nous. Et c'est toi le plus grand ou le meilleur des pardonneurs. Et écris-nous parmi, dans cette vie, la bonne action, et dans l'autre vie aussi. Et nous retournons envers toi repentant. Et aussi, la parole de Moïse, il a dit, Seigneur, j'ai fait du mal à moi-même, j'ai fait une injustice envers moi-même, alors pardonne-moi. Et dans un autre verset, il dit, et lorsqu'il s'est réveillé, et il a dit, gloire à toi, ô Allah, je reviens à toi repentant, et je suis le premier à me soumettre. Je suis le premier des musulmans, premier des croyants. Et la parole de Daoud, il a dit, Daoud, il a cherché le pardon de son Seigneur, et il est tombé, prosterné, et il se repentit à son Seigneur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ et nous l'avons pardonné cela, et il est parmi nous, auprès de nous, un des proches, un des rapprochés, et il retrouvera une grande récompense. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. Donc par la suite le chef il mentionne بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le chef il continue et il parle de Suleyman. Et lorsque Suleyman a dit « Seigneur, pardonne-moi et donne-moi un royaume que personne après moi ne pourra avoir, et c'est toi qui yani, est celui qui donne de tes bontés à qui il veut. » Donc, par la suite, le cheikh il dit « Amma Yusuf al-Siddiq, falam yadhkurullah anhu zamban. » Donc, l'exemple qu'il vient de mentionner, tous les endroits où plusieurs prophètes, ou pas tous les endroits, mais beaucoup d'endroits où les prophètes d'Allah et les messagers d'Allah ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour des fautes qu'ils avaient commises. Et là, c'est pour montrer en fait que lorsque les prophètes ont commis des fautes, en fait aussi ça nous montre en même temps comment nous repentir. Il nous montre en même temps la façon de nous repentir. Et après, il mentionne l'exemple de Yusuf. Il dit « Amma Yusuf al-Siddiq, falam yadhkurullahu anhu zamban, falihada lam yadhkurullahu anhu ma yunasibu al-zamb min al-istighfar, bal qala kathalika linasrifa anhu su'a wal-fahsha, innahu min ibadina al-mukhlasin. Fa'akhbar annahu sarrafa anhu su'a wal-fahsha, وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. أما قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن أرى برهان ربه، فالهم اسم جنس تحته نوعان. قال الإمام أحمد: الهم نوعان، هم خطرات وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة، وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. ويوسف صلى الله عليه وسلم هما تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم، وعرضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Donc le cheikh il mentionne l'exemple de Yusuf alayhi salam. Et l'exemple de Yusuf, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné au sujet de Yusuf aucun péché. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné non plus pardon, une demande de pardon qui vient en accord avec un péché quelconque. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et c'est de cette façon que nous l'avons éloigné de tout mal et de toute turpitude, yani de tout péché dans les paroles et les actions. Et Yusuf était parmi nos serviteurs sincères. Et puis le cheikh il dit par la suite, et il explique que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait éloigné ou détourné de la turpitude, du zina et des péchés. Et ça prouve que il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait de péché. En ce qui concerne l'endroit dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Yusuf et de la femme, la femme d'Aziz qui courait après lui, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, elle l'a désiré, et lui il l'aurait aussi désiré si ce n'était qu'il n'avait vu la preuve de son Seigneur. Hein? Alors le cheikh il explique que Al-Ham, c'est-à-dire le désir, et là, il est en deux catégories, ou deux sortes. Et il mentionne les paroles de l'imam Ahmad qui dit que le désir est deux sortes, ou deux catégories. C'est-à-dire le désir qui est dans les intentions, ou dans les pensées, le désir dans les pensées, et le désir qui pousse à l'action. Et ça a été affirmé dans un hadith sahih rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur d'Allah, lorsqu'il a désiré de faire un péché, les anges n'écrivent pas le péché tant qu'il n'a rien fait, il n'y a rien qui est écrit. Mais il a pensé à faire un péché et qu'il l'a laissé tomber. Quand il l'a laissé tomber, les anges lui écrivent une bonne action. C'est ça. Mais c'est ça, l'intention c'est autre chose. Mais si il a, on va dire, quelqu'un a voulu faire un péché mais qu'il l'a laissé, Allah lui écrit une hasana, c'est-à-dire lui écrit une bonne action, lui écrit pas une mauvaise action, lui écrit une bonne action parce que il l'a laissé. Hein? Mais s'il la commet, elle sera écrite pour lui comme étant un péché, une faute. Mais s'il la laisse tomber, mais il la laisse pas tomber uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, on va pas lui écrire une bonne action, mais on va pas non plus lui écrire de péché. On va pas lui écrire de bonne action et on va pas lui écrire de péché parce qu'il a laissé tomber, excepté qu'il a pas laissé tomber pour Allah. S'il avait laissé tomber le péché pour Allah, il aurait une bonne action au lieu d'avoir un péché. S'il l'avait fait, il aurait eu une seule mauvaise action. Et puis le contraire aussi, celui qui pense à faire une bonne action et qu'il l'a fait, il a plusieurs fois la récompense. Mais s'il ne l'a fait pas, il a quand même une bonne action. Donc c'était pour montrer que Youssouf alayhi salam, lui, quand il a laissé tomber la femme, quand il a laissé tomber son désir qu'il a eu pour la femme, eh bien, il a laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à cause de ça, il a quand même une bonne action du fait qu'il a laissé tomber ce désir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça que le cheikh explique dans ce passage. Parce qu'il a été sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, il a gardé son cœur pur uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, étant donné qu'il a laissé tomber ce péché-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'a détourné, a détourné son cœur de ce péché. Et donc, il n'y a aucun péché qui est arrivé à Youssouf. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset dans le Coran, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque leur vient une suggestion du shaitan, ils se souviennent d'Allah et tout d'un coup ils deviennent clairvoyants, c'est-à-dire là ils ont été touchés par une suggestion du shaitan pour faire un péché, mais ils se sont rappelés d'Allah et ils ont craint Allah, alors tout d'un coup ils ont commencé à réfléchir, oui c'est vrai, Allah il me voit, Allah il sait qu'est-ce que je fais, Allah il sait qu'est-ce que j'ai dans mon cœur. Donc ils se sont rappelés de ça, alors tout de suite ils ont laissé, se sont éloignés du péché. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les rapproche de lui et puis les éloigne du péché. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici parce que bientôt ils vont commencer la salat, et puis la semaine prochaine inchallah on va continuer à partir de ce point. Il reste quand même 2 pages et demie, donc on va continuer la semaine prochaine, puis la semaine d'après on aura un autre sujet à parler inchallah, au sujet du ce sera Dinul Anbiya alayhim salat wa salam wahid, c'est-à-dire que la religion de tous les prophètes c'est une seule et même religion. c'est l'islam. Donc ça, on va en parler, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. La semaine prochaine sera la suite de l'infaillibilité des prophètes. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله ouais c'est ça ouais. Je sais même pas si ça fonctionne enfin ouais ça enregistré donc là qu'est-ce que je fais